En Corée, les botanistes viennent de rédiger le dictionnaire taxonomique de la flore en 2 volumes. Le dictionnaire contient les noms de plusieurs dizaines de milliers de plantes à semences et à spores selon la famille et l'espèce en 5 langues étrangères et leurs noms scientifiques. Il porte principalement les plantes du pays et encore l'important végétaux dans le monde. C'est un nouveau type de dictionnaire universel.